impossible de se cacher. Fassemore est capable de vous reconnaître partout. Découvrez Fassemore, une affaire aussi sensible qu'actuelle. Fassemore, c'est la nouvelle arme de la DGSE. Lorsque Fassemore révèle la menace qui pèse sur la France, le compte à rebours est lancé pour la capitaine Barelli. Du désert libyen au palais de l'Élysée, elle va tout faire pour protéger son pays. Fassemore de Stéphane Marchand, un roman disponible en librairie chez Fleuve Édition. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le mystère Saint-Ex. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ex pour les intimes, donc pour tout le monde, vole pour la dernière fois. Après être revenu au Sahara, des Andes, de la Patagonie, après s'être écrasé au Guatemala, en Libye, sans être sorti, et avoir couvert la guerre d'Espagne tout en racontant ses aventures dans Vol de nuit, Terre des hommes et Pilote de guerre, entre autres. Le 31 juillet 1944, donc, Saint-Exupéry s'est envolé et n'est jamais rentré. En mission pour les Alliés, il a disparu, il n'a pas laissé de traces. L'événement est resté inexpliqué pendant longtemps. Il s'est transformé en légende quand, après sa mort, le petit prince est devenu le best-seller qu'il est aujourd'hui, l'un des livres les plus lus au monde. Car Saint-Exupéry est à la fois un héros de l'aviation, à la hauteur de Lindbergh et de Blériot, et un écrivain de la trempe de Malraux et de Camus. Dans son sillage, il laisse un mythe, une œuvre et une énigme. Alors, raconte-moi un mouton, c'est ce que nous allons faire pendant 35 minutes. Notre invité aujourd'hui, Bernard Chalère, écrivain, ancien journaliste à Europe 1 et France Télé. Il a publié le 7 octobre dernier la BD Saint-Ex, un prince dans sa citadelle, chez Paquet, BD illustrée par Romain Hucaud. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INLA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Avril 1946. La guerre est terminée depuis moins d'un an quand les Français découvrent dans leur librairie un livre publié chez Gallimard. Pas très épais le livre, 104 pages seulement. Relié par une toile bleue avec en couverture un dessin genre naïf, une aquarelle. Elle représente une toute petite planète grise au milieu des étoiles. On y trouve quelques fleurs, un petit arbre, 2 minuscules volcans. Et un garçon blond, seul, avec un nœud papillon rouge, le petit prince. Antoine de Saint-Exupéry a écrit ce livre 4 ans plus tôt, en 1942, à New York. C'est là-bas, chez les éditeurs Renal & Hitchcock, que le petit prince a d'abord été publié. Cette histoire, c'est l'histoire d'un enfant et de sa rose, d'un renard à apprivoiser, d'un allumeur de lampadaire et d'un sauvetage dans le désert. C'est un conte pour enfants et une autobiographie dissimulée. En 1946, Saint-Exupéry devrait avoir 46 ans, mais il n'est pas là pour goûter son succès. La première édition française du Petit Prince est une édition posthume, car voilà bientôt 2 ans qu'Antoine de Saint-Exupéry a disparu, c'était pendant la guerre. La nuit allemande a achevé d'ensevelir le territoire. Nous pouvions encore connaître quelque chose de ceux que nous aimions. Nous pouvions encore leur dire notre tendresse à défaut de partager le mauvais pain de leur table. Nous les entendions de loin respirer. C'est fini. La France n'est plus que silence. Elle est perdue quelque part dans la nuit, tout feu éteint comme un navire. La loi militaire française engage jusqu'à 48 ans. Il doit nous être demandé, pour faire pencher la balance, de nous asseoir sur le plateau de la balance tous ensemble, tout simplement. Novembre 1942, Saint-Exupéry est loin du pays. Cet appel aux Français, il l'écrit depuis New York, où il vit avec son épouse, Consuelo. Il a servi quelques mois dans l'armée de l'air, en France, pendant la drôle de guerre. Et puis, il est parti. Pas pour Londres, non. Il déteste De Gaulle, qui le lui rend bien. Il a préféré rejoindre les États-Unis avec dans l'idée de les pousser à entrer en guerre. Mais là-bas, à l'abri des combats, il tourne en rond. Il vit avec une brume sur lui, pour reprendre les mots de sa femme. Son ami Guillaume, un ancien de l'aéropostale, a disparu au-dessus de la Méditerranée en 1940. Mermoz, son autre grand ami aviateur, est tombé 4 ans plus tôt dans l'Atlantique. Saint-Exupéry a 42 ans et déjà, il est le survivant de la ligne Casablanca-Dakar de l'aéropostale. « Je n'ai plus personne sur Terre avec qui partager des souvenirs », écrit-il. « Je n'ai plus un seul camarade à qui dire « Te rappelles-tu » Aux États-Unis, ils ne veulent plus. Il est à terre. Mais ce qu'il veut, c'est partir, renouer avec sa vocation, voler. Alors, en dépit de son âge avancé et de son corps abîmé, il se démène pour retourner au combat. Le capitaine Leleu de l'escadrille 233 se souvient. Effectivement, Saint-Ex tenait absolument à voler. Il avait quitté l'Amérique où beaucoup de Français parlaient beaucoup et agissaient peut-être beaucoup moins. Et il voulait absolument poursuivre le combat. Il ne voulait pas que l'on dise « voici un monsieur qui écrit bien, mais qui agit peu ». Il voulait que ses actions soient l'illustration, on peut dire, de ses livres. Avril 1943, le petit prince est dans les librairies américaines depuis 4 jours, quand Saint-Exupéry reçoit son ordre de mission. Et le voilà heureux de nouveau. Il est engagé dans l'armée de la libération en Afrique du Nord. À bord du bateau qui l'emmène, il écrit à Consuelo « Je ne connais qu'un moyen d'être en paix avec ma conscience, c'est de souffrir le plus possible. » Ce à quoi Consuelo lui répond « Heureux, tu ne le serais que lorsque tu aurais obtenu ton autorisation de rejoindre ton escadrille pour aller te battre pour qu'on te tire dessus. » Exact, Saint-Exupéry veut souffrir, risquer sa vie. En réalité, c'est une quête spirituelle dans laquelle il s'embarque, une aventure intérieure qui le traverse, à tel point que sur le bateau qui le mène à la guerre, il chante des cantiques et dit à qui veut bien l'entendre que, s'il survit, il entrera dans un monastère. Antoine de Saint-Exupéry est affecté en Algérie au groupe d'aviation 233 qui effectue des vols de reconnaissance au-dessus de la France pour préparer le débarquement de Provence. Mais ce sont les Américains qui dirigent les forces alliées. Et pour eux, un aviateur de plus de 30 ans est un aviateur à la retraite. Alors, à peine a-t-il appris à piloter leur tout nouvel appareil, le P-38 Lightning, que Saint-Exupéry est interdit de vol. Cloué au sol, le voilà qui replonge dans la dépression. « Je me demande tout le temps, écrit-il, où est-ce que je puis aller habiter dans l'univers où je sois chez moi, parce que je suis seul, plus seul que la mort. Et il lui faut retourner en mission, c'est vital. La bataille dure des mois. » Et en janvier 44, l'armée cède de nouveau à ses supplications. Les Américains lui accordent gracieusement 5 missions. Le groupe 233 campe maintenant en Sardaigne. Les jeunes pilotes accueillent Saint-Exupéry en héros. Son livre « Pilote de guerre », son récit de la défaite de 40, est interdit par la censure allemande, mais tous l'ont lu clandestinement. Alors, serein, apaisé, Antoine écrit à Consuelo. « Ma Consuelo, si je suis tué, je n'en serai triste qu'à cause de vous. Moi, ça m'est bien égal. J'ai bien le droit de me reposer, car tout ça n'est plus de mon âge. » Alors, le repos, je le trouverai ou dans vos bras et sous nos arbres et dans la paix de votre poésie, ou bien dans un sommeil définitif. Petite Consuelo, priez pour votre papou qui fait la guerre, malgré sa longue barbe blanche et toutes les démolitions de son corps. Pour chaque décollage, c'est le même rituel. Son bras gauche est presque paralysé, il est échappé de peu à l'amputation avant la guerre. Le colonel Gavoil, le chef de l'escadrille, l'aide à enfiler sa combinaison et à se glisser dans le cockpit. En cas de problème, il ne pourrait même pas sauter en parachute. Son corps est usé, mais tant pis, il veut voler. avec ces mots, monter vers les champs de lumière, labourer le ciel, entrer dans les eaux réservées dans la baie des îles Bienheureuses. Et il le fait avec un bel avion. Le P-38 Lightning est un bimoteur à deux fuselages, monoplace, qui avec ses 700 km/h est le plus rapide du monde. Sur les ailes, l'étoile américaine. Sur les flancs, la cocarde française. L'avion de Saint-Exupéry n'est pas armé. Non, lui fait la guerre avec des appareils photo. Pour autant, ses vols ne se déroulent pas sans encombre. Comme en témoigne Pierre Dalloz, son ami, qui reçoit une lettre de Saint-Ex en août 44. « Je fais la guerre le plus profondément possible », m'écrivait Saint-Exupéry. « J'ai tout connu depuis mon retour à l'escadrille. Ce retour est un miracle. J'ai connu la panne, l'évanouissement par accident d'oxygène, la poursuite par les chasseurs et aussi l'incendie en vol. Je paye bien. Je ne me crois pas trop bavard et je me sens charpentier sain. C'est ma seule satisfaction. Et aussi de me promener, seul avion et seul à bord, des heures durant, sur la France, à prendre des photographies. » Saint-Exupéry plaisante de ses mésaventures. Sa hiérarchie, elle, beaucoup moins. Il est dangereux pour lui-même et pour le matériel. Il ferait mieux de se contenter d'écrire, dit-on. Juillet 1944, l'escadrille campe maintenant en Corse, à Borgo, au sud de Bastia. Saint-Exupéry travaille tard dans la nuit. Il écrit, sombre, silencieux. Peut-être se souvient-il de cette voyante qui, dans sa jeunesse, lui avait prédit un accident plus grave que les autres, qui l'emporterait très loin. Son état inquiète. Mais comment dire à une légende vivante de l'aviation que l'on veut se passer de ses services? Eh bien, en employant la manière forte. Le commandement va l'informer du débarquement de Provence prévu pour le 15 août. Alors, il devra se plier à la règle. Ceux qui savent ne volent pas. Ils ne doivent pas tomber aux mains de l'ennemi. Mais une dernière mission lui est confiée avant de le lui dire. En ce 31 juillet 1944, Saint-Ex se lève très tôt. Où a-t-il dormi? Ses compagnons d'escadrille ne le savent pas. A-t-il au moins fermé l'œil? Il n'a pas passé la nuit dans sa chambre d'officier, en tout cas. À bord d'une jeep, il rejoint Borgo. Sur la route, les villages sont encore endormis. Saint-Exupéry est calme, mais son air est grave. Sa mission, photographier la zone entre Grenoble et Chambéry, à 10 000 mètres d'altitude. À 8h10, il enfile tant bien que mal sa combinaison, dans le silence. Puis ses chaussons, ses gants, son serre-tête radio. Seul fait notable, sur la cuisse, il a un bloc-notes attaché avec une ficelle et un crayon qui pend. 8h15, il monte dans l'avion. La suite, c'est la RTF qui la raconte en 1949. 8h25. Dans un fracas de tonnerre, les moteurs sont mis en marche. « 8h29, Saint-Exupéry levant le bras, adresse un geste d'au revoir à ses camarades, il part. »« 8h30, l'avion roule d'abord lentement, puis s'élance de plus en plus vite sur la piste d'envol. Il décolle, prend rapidement de la hauteur en direction de la France. Bientôt, il n'est plus qu'un point dans le ciel, il a disparu. » La commentatrice ne croit pas si bien dire. Les heures passent et au camp de Borgo, ses compagnons d'escadrille guettent le retour de Saint-Ex. Il doit rentrer entre midi et midi et demi. Mais à l'heure attendue, pas de Lightning en vue. Les appels radio ne donnent rien, les radars non plus. L'avion n'a que 6 heures de carburant. Il est parti à 8h30. À 14h30, s'il n'est pas à Borgo, il ne reviendra pas. Alors, comme à chaque fois qu'un pilote n'est pas au rendez-vous, les visages se ferment. 13 heures, toujours rien. Peut-être s'est-il perdu, ou a-t-il atterri en urgence dans le maquis? Et s'il avait rejoint Vichy? Tout vaut mieux que le pire, la mort. ...14h15, les regards tendus sont à la recherche d'un point à l'horizon et d'un bruit de moteur familier. 14h30, Saint-Exupéry n'est pas là. Un officier note, le pilote n'est pas rentré, il est présumé perdu. La nouvelle gagne, les forces alliées, le grand Saint-Exupéry n'est pas rentré. Alors, on écoute la radio allemande, mais rien, non, décidément, on ne sait rien. « Qu'est-il arrivé à Antoine de Saint-Exupéry? Tout ce que l'armée sait, c'est que le Lightning a franchi la Méditerranée à l'aller, qu'il n'a pas dépassé les côtes françaises au retour. Alors, on cherche l'avion partout. Mais que la zone d'investigation est vaste. Elle va de la Corse jusqu'à Grenoble, c'est dire. Saint-Exupéry s'est-il écrasé dans les Alpes, ou dans les gorges du Verdon, ou bien en Méditerranée, comme bien des pilotes, avant et après lui? Impossible de saisir non plus la cause de la disparition. Il a pu épuiser ses réserves d'oxygène. L'avion peut avoir subi une avarie en vol. Il a pu croiser également la route de Cobra, comme Saint-Exupéry les appelait, les avions allemands. Mais il n'y a ni épave, ni trace de combat aérien. Alors, serait-il entré secrètement dans un monastère, comme il le voulait? Les renseignements sont tellement maigres qu'ils laissent place à toutes les hypothèses, même les plus tragiques. Le 31 juillet 1944, avant de partir, il a laissé deux lettres sur son bureau. Elles sont pour ses amis Hélène de Voguet et Pierre Dalloze. Et en 1946, Dalloze révèle à l'RTF celle qui lui était adressée. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. La termitière future, c'est le monde que Saint-Exupéry voit poindre et qu'il déteste. La vertu de robot, c'est celle du businessman du Petit Prince, celui qui achète les étoiles pour pouvoir en acheter d'autres, pour les compter, les recompter, les placer en banque. Saint-Exupéry ne se voyait pas de place dans le monde qui se profilait. Et s'il voyait le nôtre, notre monde marchand d'aujourd'hui obsédé par le profit, il aura au moins échappé à ça. Et si ce n'était ni une panne, ni une attaque ennemie, mais un suicide? À défaut de trouver l'avion, on cherche alors dans les derniers jours du pilote. Consuelo se souvient de cette brume qu'il sentait sur lui et ses compagnons d'escadrille se remémorent son air grave et soucieux. Son ami et écrivain Jules Roy, de cette phrase qu'il avait écrite « Si je suis tué en guerre, je m'en moque bien ». Plus on creuse, plus il apparaît que tout investi dans sa quête spirituelle, Saint-Exupéry n'attachait plus grande importance à la vie. À la vie terrestre, en tout cas. Le colonel Gavoil se souvient d'une nuit de juillet 1944, l'une des dernières avant la disparition. Je suis allé le trouver un soir dans sa chambre. Je l'ai trouvé là, il était sur son lit, la tête sur les mains. Tourmenté par mon angoisse, il m'a expliqué naturellement qu'il lui était impossible de renoncer à ce genre d'émission. Il avait déjà vu la mort de près, il n'avait pas peur de la mort. Et il désirait absolument disparaître en mission de guerre. Il s'est mis à pleurer avec moi. Et pour terminer, il m'a demandé de lui rendre un grand service, celui d'accepter sa mallette de manuscrit. Ce geste, naturellement, pour moi, a été un espèce de testament. Les années passent, la guerre n'est plus qu'un souvenir. Et l'espoir de soulever le mystère de la disparition de Saint-Exupéry peu à peu s'évanouit. C'est en 1948 qu'il est déclaré mort pour la France. Il aurait 48 ans. Pour ses proches, il faut maintenant vivre avec son absence. Tous les 31 juillet, radio, télé, journaux lui rendent hommage. Gallimard publie ses lettres, ses carnets, ses illustrations. Les 29 juin, jour de son anniversaire, on calcule l'âge qu'il aurait dû fêter. 60 ans en 1960, 72 quand sa mère s'éteint, 79 quand Consuelo disparaît à son tour. Nous sommes maintenant dans les années 90 et rien ou presque n'a troublé le mystère de sa mort. Il y a bien eu quelques faux espoirs à un pilote allemand qui disait avoir abattu un Lightning au sud de Saint-Raphaël, mais ce n'était qu'un canular. Un village dans le Var qui prétendait l'avoir enterré dans son cimetière. Des recherches dans la baie des Anges, à Nice, dans le golfe de Gien, au large de la Ciotat, mais rien, rien de sérieux. Avant le 7 septembre 1998. Interminable monde d'or. Coûte que coûte, chacun choisit. aéroplane. Je me sens mieux comme ça, avec mes hauts, mes bas. Que j'ai raison ou pas, c'est mieux comme ça, je crois. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Il est 5h du matin sur le port de pêche de Somatti à Marseille et c'est un jour de gros temps qui se profile. L'horizon est un chalutier de 25 mètres. Son capitaine s'appelle Jean-Claude Bianco. Il pêche au large de Marseille depuis 30 ans. Et en cas de tempête, il sait où traîner ses filets sans être trop chahuté. Là-bas, derrière le Cap Croisette, dans les eaux poissonneuses, à l'ouest de Cassis. Cap sur l'île de Riou, à 2000 marins de la côte. Le vent d'est souffle de plus en plus, et l'équipage largue le chalut au pied de l'île dans la mer agitée. La technique est simple, racler les fonds marins pendant plusieurs heures pour remonter tout ce qui s'y trouve. C'est l'un de ces bateaux que les plongeurs n'aiment pas, parce qu'ils détruisent le fond de la mer. Il remonte des rougets, des loups de mer, des dorades et très souvent des pneus, parfois des amphores et même des mines allemandes. Ce jour-là, après 2 heures sous une pluie battante, Jean-Claude Bianco relève le chalut. Son contenu est jeté sur le pont. Il y a quelques poissons, des détritus. La prise est maigre, mieux vaut tenter un deuxième coup avant de rentrer. Alors les filets raclent les fonds une seconde fois sur une vingtaine de kilomètres. Vers midi et demi, l'orage et la pluie sont trop violents pour continuer. Alors de nouveau, le chalut est levé, son contenu est jeté sur le pont et Jean-Claude Bianco apparaît vers Marseille pendant que l'équipage trie le poisson. En 2017, il témoigne. Demi-heure après, mon second, qui s'appelle Habib, qui est tunisien, vient me voir à la passerelle et me dit « Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette ». Il me dit « Ah bon ?» J'ai dit « c'est le tanor, on a gagné la journée ». J'ai dit. Et il m'explique que la gourmette était dans un paquet de concrétion, un dépôt calcaire. Il y avait un maillon qui dépassait dans la concrétion. Quand il a fini son boulot, il casse la concrétion, il trouve une gourmette. Il voit qu'elle est en argent, il la fout dans la poche. Puis il me tend la gourmette à la passerelle. Alors, la plaque était toute noire, hein, on ne voyait rien. Je nettoie, je remarquais Antoine. Alors je me tourne vers la Bible, j'étais le con qui l'a perdu, il s'appelle Antoine. J'ai dit, tous les Antoine, c'est des cons, ils perdent tout. Et la curiosité me pousse, Antoine comment? Je force un peu plus, et là je vois deux Saint-Exupéry. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Jean-Claude Bianco continue de frotter la gourmette et d'autres inscriptions apparaissent. Il lit Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo, le prénom de sa femme. Et en dessous, Renal and Hitchcock, 386 4e avenue, New York City, USA. Autrement dit, les éditeurs du Petit Prince et leur adresse. quelle probabilité y avait-il pour que la gourmette de Saint-Exupéry, ces quelques grammes d'argent perdus au fond de la Méditerranée, se retrouvent dans les filets du chalutier de Jean-Claude Bianco ce 7 septembre 1998 et que l'équipage s'en aperçoive quasiment nul? Et pourtant, 54 ans après sa disparition, enfin, on a retrouvé la trace de Saint-Exupéry. Et Bianco sait que l'avion a disparu. Or, si la gourmette est à l'île de Riou, le Lightning ne doit pas être loin. Le pêcheur rentre au port, fier de la trouvaille qu'il a soigneusement glissée dans sa poche. On le comprend. Ce trésor, il veut l'offrir à son petit-fils. Il raconte l'histoire à sa femme, puis à Henri-Germain Delauze, le patron d'une entreprise d'exploration sous-marine, la Comex. Il ne faut pas plus de 2 jours pour que les recherches commencent. Mais discrètement, car si la nouvelle s'ébruite, tous les plongeurs accourront et la précieuse découverte leur échappera. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on ne retrouve l'avion de Saint-Exupéry. Les recherches commencent dans l'euphorie. Mais il faut tout de même sonder la zone de chalutage de l'horizon, soit 100 km carrés. Alors, chaque fois que le temps le permet, le bateau d'Acomex prend la mer. Son sonar révèle les anomalies du fond de l'eau. Et si ça ressemble à une épave, Delauze envoie un petit sous-marin avec une caméra pour voir si ce n'est pas le Lightning. Mais un mois plus tard, après avoir ratissé 400 km carrés, l'Acomex n'a rien trouvé. De l'euphorie à l'amphorie, l'exploration va même se compliquer quand, fin octobre, la découverte de la gourmette parvient aux oreilles de la presse. France Inter. Mais d'abord donc cette information assez incroyable. Plus de 50 ans après la fin de la guerre, on a retrouvé aujourd'hui la trace d'Antoine de Saint-Exupéry. On pensait que son avion était tombé en mer au large de Carquéran, dans le Var, mais on n'avait jamais retrouvé de traces de l'épave. Jusqu'à ce que, par miracle, il y a quelques semaines, un pêcheur marseillais remontant ses filets découvre la gourmette de Saint-Exupéry au milieu des poissons. Les héritiers de Saint-Exupéry sont fâchés de ne pas avoir été prévenus. Les plongeurs amateurs se précipitent à la recherche de l'épave. L'administration maritime s'en mêle. Bianco et la Comex sont priés de cesser leurs recherches. Pourtant, la clé du mystère est là, toute proche. Tous les plongeurs de la région ont leur idée sur l'emplacement de l'avion. Parmi eux figure un certain Luc Vanrel. C'est un plongeur professionnel. Il travaille sur le site d'une grotte sous-marine entre Marseille et Cassis, la grotte Cosquer. Depuis la surface, il a vu passer au loin l'horizon, suivi de près par le bateau de la Comex, plusieurs fois. Et quand il apprend pour la gourmette, il comprend. Bianco et Delauze cherchent l'épave de Saint-Exupéry. Le père de Luc Vanrel était plongeur, lui aussi. Et du temps où, en scaphandrier, il cherchait au fond de l'eau des éponges et du corail, il avait aperçu une épave d'avion à près de 80 mètres de profondeur vers l'île de Riou, de très grande dimension. C'est tout ce dont il se souvenait. Alors Luc Vanrel s'est mis à sa recherche dans les années 80 et il l'a trouvé, il l'a même prise en photo, cette épave. Il répond à France Inter le 27 mai 2000. Le plus incroyable, c'est que j'ai commencé par le retrouver dans ma mémoire. C'est vraiment des souvenirs de pièces éparses au fond que j'avais vues en plongée. Je me suis dit, ça pourrait être des fragments d'un avion et cet avion pourrait peut-être être un P-38. C'est l'heure de sortir les vieilles photos et de se demander si son père et lui n'ont pas retrouvé, il y a déjà des années, l'avion que tout le monde cherche depuis plus de 50 ans. Oui, ça ressemble bien à des pièces d'un P-38 Lightning. Or, dans la Méditerranée, 5 avions du même modèle ont été retrouvés, tous identifiés, sauf celui de l'écrivain. Ça veut dire que si celui de Longuevanrel est de ce modèle-là, ça ne peut être que le Lightning de Saint-Exupéry. Mais il n'y a qu'un moyen de s'en assurer. Retournez au fond. Le site oscille entre 40 et 90 mètres de profondeur. Luc Vanrel se souvient bien de l'endroit. C'est une belle journée du mois de mai 2000. Le temps est excellent, l'eau parfaitement claire. Vanrel saute en arrière de son bateau et entame, bouteille sur le dos, la lande descendre vers l'épave. Au fond, c'est une petite bulle de lumière. Quelques rayons de soleil éclairent faiblement des débris métalliques éparpillés sur un banc de sable. Là, sous une épaisse couche de concrétion, il y a un morceau de la jambe d'une roue. Et là, Plus loin, le turbocompresseur, l'une des pièces du moteur. Il est renversé et à deux tiers ensablé. C'est cette pièce qui intéresse Luc Van Rel, parce que, à l'intérieur, dans le logement du train d'atterrissage, se trouve l'une des clés du mystère Saint-Exupéry. On a un système de boîte à clapets qui se trouve au milieu du coude. Je me dis, si je trouve cette caractéristique, j'ai vraiment le nouveau modèle. Donc il faut que j'engage mes bras en aveugle dans le logement du train d'atterrissage, je la touche et elle me reste dans les mains. À ce moment-là, j'ai dans les mains, pour moi, la preuve que c'est le bon appareil. À ce moment-là, j'ai eu l'image de la couverture du Petit Prince, qui était un livre de mon enfance, avec son écharpe blanche et sur sa planète tout seul, comme moi j'étais à côté de l'avion de Saint-Exupéry, tout seul, sur le sable, au fond de la mer, à 81 mètres de fond. Année 2000, il aura fallu attendre le centenaire de la naissance de Saint-Exupéry pour que, enfin, le mystère de sa disparition commence à se dissiper. Et il faut 8 ans de plus pour l'éclaircir totalement, donc en 2008. Laissez-moi vous présenter Lino von Gartzen. Il habite en Bavière. C'est un passionné d'histoire et il dirige une association qui recherche les avions perdus de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant qu'il est certain que Saint-Exupéry s'est abîmé en mer, s'il a été descendu par un avion ennemi, alors il suffit de remonter la piste des pilotes basés autour de Marseille en juillet 44. Lino von Gartzen a identifié 130 vétérans encore en vie. Et parmi eux, il y en a 5 qui faisaient partie du groupe de chasse JR-200 stationné à Marignane. Alors il les rencontre, les uns après les autres. Mais c'est étrange. Dès qu'il aborde la date du 31 juillet 1944, les vétérans se crispent et ils ne disent plus un mot. Leur embarras les trahit. Saint-Exupéry a été descendu et ils savent qu'il a tué. Mais ils ne veulent rien dire. Car il n'était pas que le héros des aviateurs français. Non, les Allemands, eux aussi, l'admiraient. Chez eux aussi, il a suscité des vocations. On aurait pu penser que le pilote qu'il avait abattu s'en serait vanté. Pas du tout, il en a honte. Il se cache. Mais Lino von Gartzen persévère. Jusqu'à ce que l'un des anciens pilotes, qui prétexte une perte de mémoire, lui dise « Tiens donc, appelez Horst Rippert. Il sait encore des choses à propos de Saint-Exupéry. » Horst Rippert, c'est l'ancien chef du service des sports de la deuxième chaîne de télévision allemande. C'est surtout un ancien pilote de Messerschmitt, crédité de 20 victoires. Lino von Gartzen l'appelle, peut-être pourra-t-il apprendre quelque chose. Horst Rippert décroche. Nous sommes en 2008. Après 64 ans de silence et de honte, Rippert, alors âgé de 86 ans, se délivre de son secret. « Vous pouvez arrêter de chercher, » dit-il sèchement. « C'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry. » Et il raconte comment l'auteur du Petit Prince est mort. « Après Toulon, j'aperçois ce Lightning à double fuselage se dirigeant vers Marseille. Je me demande ce que vient faire ce type tout seul dans mon secteur. Alors je me suis dit, « Mon gars, si tu ne fous pas le camp, je vais te canarder. » J'ai plongé dans sa direction et j'ai tiré, pas sur le fuselage, mais sur les ailes. Je l'ai touché. Le zinc s'est abîmé droit dans l'eau. Il s'est écrasé en mer. Personne n'a sauté. Le pilote, je ne l'ai pas vu. Et quand bien même, il m'aurait été impossible de savoir que c'était Saint-Exupéry. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré, pas sur lui. Son zinc a fait une chandelle. On m'a appris plus tard que ce devait être celui de Saint-Exupéry. Quelle catastrophe! Mais qu'est-ce que tu as fait, me suis-je dit? Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas visé un homme que je connaissais. J'ai tiré sur un avion ennemi qui s'est abattu. Voilà. Comment le comprend cet homme? Entre nous, pas facile de vivre avec l'idée qu'on a tué le Petit Prince. Et dans vos mains, gerbe d'œillets rouges. Et dans les miennes, votre corps. À bord de mon Lightning P38, je pense à vous, joli consuelo. Belle comme le monde, forte comme les arbres. Et vos yeux tels des perles abyssales. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la disparition de Saint-Exupéry. Notre invité, Bernard Chabert, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste d'Europe 1 et de France Télévisions, vous êtes écrivain et vous avez publié, il y a 10 jours, Saint-Ex, un prince dans sa citadelle, chez Paquet. C'est une BD illustrée par Romain... Pas une BD, tout à fait. Si oui, c'est un livre illustré, on va dire, c'est mieux. Voilà. D'accord, ok. Pourquoi... Un livre illustré, à l'ancienne. À l'ancienne. Et pourquoi vous êtes passé par le livre illustré plutôt que le livre classique? C'est venu en novembre dernier, un peu avant le confinement, avec... un camarade à moi qui est également pilote, Romain Hugo, et qui est un illustrateur reconnu et qui, pour l'instant, s'est surtout fait un nom dans la BD. Et lui, comme moi, pour des raisons diverses, on a une certaine empathie pour Saint-Exupéry, et même parfois plus qu'une empathie, comme pratiquement tous les gens qui volent dans ce pays, dont je rappelle que c'est quand même le pays où est née l'aviation. Et pour les aviateurs français, cette ligne entre Toulouse et Dakar, la ligne avec des majuscules, c'est une sorte de chemin de Compostelle des aviateurs français. qui voit, d'ailleurs au passage, cette ligne est en train d'être intégrée au patrimoine immatériel de l'humanité, tant elle est mythique et tant elle correspond au fait que l'aviation, lorsqu'elle était en devenir à l'époque des années 20-30, était considérée comme un fait de civilisation qui allait véritablement changer les relations entre les hommes. Ce qui est vrai, quand même a été un peu le cas. Bah oui, c'est tout à fait vrai. Alors c'est aussi le mythe, le mythe, c'est pas une mythe, c'est une réalité, mais l'aéropostale est mythique. Oui, c'est une légende. C'est-à-dire que c'est une histoire avec un casting fabuleux. Après tout, c'est jamais qu'une entreprise qui ressemble au Pony Express des plaines américaines de l'Ouest du 19e siècle. L'idée est de faire voyager le courrier le plus vite possible entre deux endroits isolés l'un de l'autre dans le monde par exemple des masses océaniques. Entre l'Europe et l'Amérique du Sud, dans les années 1900, il y a un volume de trafic, d'affaires, de relations absolument extraordinaire. Il y a de l'émigration européenne vers l'Amérique du Sud et il y a énormément de courriers à transporter. Le problème, c'est qu'avec l'océan entre les deux continents, les océans Atlantique Nord et Sud, eh bien, on met quand même pas loin d'un mois pour voir une lettre partir d'une grande métropole d'Europe pour arriver dans une grande métropole d'Amérique du Sud. Et il y a deux aventuriers, mais qui sont en même temps des gens extrêmement... des gens bien, comme on disait à l'époque. Un industriel pyrénéen, Pierre Latécoère, oui, bien sûr. Une espèce de condottiere italien qui était aviateur pendant la Première Guerre mondiale, qui habite en France, qui est un de ces types préfigurant l'avenir parce qu'il est multiculturel. C'est un grand seigneur, il s'appelle Beppo de Massimi et il est l'un des meilleurs amis de Latécoère. Tous les deux rêvent de transporter le courrier plus vite. Et il y a des lieux comme ça, l'hôtel de la Poste, Saint-Louis du Sénégal. Alors, effectivement, la suite, on commence cette légende qui s'écrit crée des légendes. Par exemple, il y a effectivement à Saint-Louis du Sénégal, il y a l'hôtel de la Poste qui existe toujours et vous avez absolument. À longueur... Oui, il existe encore. Vous y êtes allé ? Oui, absolument. Et on y pense, forcément. Vous avez demandé la chambre à Mermoz ou celle de Saint-Exupéry ? Les deux. Parce que Mermoz, c'était 262, c'est ça ? Je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, il me semble bien que c'est celle-là. Exactement. Donc voilà, il y a l'hôtel de la Poste à Saint-Louis du Sénégal, mais quand on longe la côte atlantique, en face de Tenerife, il y a un endroit qui est un bout de Mars. On n'est plus sur Terre à cet endroit-là. Il s'appelait Cap Juby à l'époque où cette zone appartenait à l'Espagne. C'était le Maroc espagnol. Et maintenant, c'est le nouveau Maroc depuis la Marche Verte d'il y a 15 ans. Donc, Cap Juby est devenu, c'est un fortin espagnol. C'est une espèce de construction d'une architecture extrêmement militaire, mais relativement petite et qui est échouée entre deux déserts. D'un côté, l'Atlantique. Et à cet endroit-là ressemble à une machine liquide parce que c'est désespérant de monotonie. Et de l'autre côté, le désert proprement dit, le Sahara avec les ors, les feux, les jaunes, les ouèdes asséchées et le sable. Il y en a absolument partout. Et il y a cette toute petite forteresse dans laquelle les créateurs de l'aéropostale avaient installé une escale et ils avaient mis, parce que Saint-Exupéry était un type avec un profil qui n'était pas qu'aviateur, c'est quelqu'un qui avait, disons, une classe naturelle importante et une présence. Et quand on voit ce qu'il écrit, on imagine bien. Eh bien, on avait imaginé que ce type-là pourrait être une sorte de diplomate entre... la ligne aérienne qui avait ses problèmes techniques, il fallait faire passer les avions et il y avait, c'était une aventure majeure. Et les Espagnols, l'armée espagnole, qui évidemment gardait l'endroit, gardait ce bout de désert contre qui on ne sait pas, mais enfin ils étaient là. Et puis également les hommes bleus, les hommes du désert, les morts. Et eux pouvaient à juste titre considérer que le désert leur appartenait depuis toujours. Ils étaient assez hostiles à ces avions, de même que les Espagnols étaient hostiles aux avions parce qu'ils étaient français. Et donc, il fallait des diplomates pour faire marcher tout ce système. Je rappelle qu'il y a eu des pilotes de l'aéropostale qui ont été abattus froidement par des chameliers hommes bleus. Il fallait des gens avec une certaine trempe humaine, oui, une qualité terre d'aventure quand même, bien sûr. On se retrouve dans deux minutes, Bernard Chabert. On va écouter Lenny Kravitz et je vous poserai une ou deux questions, en tout cas sur les hypothèses. Chabert, je ne l'ai pas précisé, mais vous nous parlez de Toulouse. D'ailleurs, je ne suis pas étonné, Toulouse, capitale de l'aviation, voilà, en France. Hein. Oui. Alors, écoutez, c'est là que ça a commencé. Oui, exactement. Puisqu'on parle de Saint-Exupéry, on va écouter sa voix quand même, pendant quelques secondes. C'est une archive qui date de 1937. Il parle de la mort de son ami Jean Mermoz, autre grand pilote de l'aéropostale, on l'a dit, disparu, lui, au cours d'un vol au-dessus de l'Atlantique le 7 décembre 1936. Voilà une année aujourd'hui que Mermoz et ses camarades, Pichaudou, Lavidallier, Aizan et Cuvillier, ont disparu. Et cependant, ce que nous avions à découvrir, ce n'était point seulement le changement de Mermoz en mort, mais son absence. Et l'absence s'apprend lentement. Car ils sont dispersés dans le monde, les camarades de ligne, de Paris à Santiago du Chili, perdus dans les lointaines escales, et on ne les retrouve qu'au hasard des vols. Autour de la table du soir, à Casablanca, à Dakar, à Buenos Aires, on reprend les conversations interrompues, et voilà qu'il nous semble aujourd'hui que depuis bien longtemps, nous n'avons pas rencontré Mermoz. Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. On a détruit quelque part un jardin qui nous est désormais interdit, et le monde nous semble moins riche. Et on entend cette élégance dans le langage, cet intellectuel, pilote, poète. Est-ce qu'il était, si j'ose dire, un as du manche? Ou c'était juste un bon pilote? Tous les gens qui volaient chez Diédora à l'aéropostale étaient de bons pilotes. De toute façon, c'était le standard de base. Il y en avait des exceptionnels qui étaient plus forts que les autres. Mermoz était plus gonflé, on va dire, que les autres. Mais les plus grands pilotes, leurs noms sont quasiment inconnus du grand public. Ceux qui avaient vraiment une espèce de magie, qui étaient au-delà du simple fait de mener un avion dans le ciel, c'était des artistes. Le plus grand des pilotes s'appelait Laurent Guerrero et on n'a jamais parlé de lui. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même dans cette population d'aviateurs de l'aéropostale, entre 1919 et 1939, sur 20 ans, il y a eu 160 morts. La ligne faisant 16 000 km, ça fait un mort aux 100 km. Oui, on voit le risque, effectivement. Bernard Jabert, vous avez été journaliste en radio, vous savez que parfois le temps est un... Enfin, le, hein, voilà, c'est ça, il est précieux, il n'est pas extensible. Donc je vais vous poser une ou deux questions avec des réponses courtes, si vous pouvez. 64 ans après la disparition de Saint-Exupéry, Horst Rippert, le pilote allemand dont on a parlé dans le récit, prétend que c'est lui qui l'a abattu, est-ce qu'on est tout à fait sûr? Ou est-ce qu'on n'a que sa parole, finalement? On n'a que sa parole. Bon, d'accord. Est-on certain que l'épave qu'on a retrouvée est bien celle du Lightning de Saint-Exupéry? Tout à fait, puisque les pièces des avions fabriquées chez Lockheed à l'époque étaient estampillées en creux avec des numéros codes. Et on connaissait bien évidemment le numéro code de l'avion de Saint-Exupéry, et donc c'est bien celui-là. Quelles sont les autres hypothèses sur sa mort? Donc l'hypothèse retenue, c'est qu'il était abattu par un avion allemand, Horst Rippert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, qui confine oui, peut-être parfois aux fantasmes aussi. Hein. Bon, on laisse tomber un peu les fantasmes, parce que à la limite, on pourrait dire que les Martiens l'ont intercepté, qu'ils l'ont ramené sur l'astéroïde B612. Mais non, le plus sérieux est finalement celui de son patron, Gavoil, qui à l'époque était capitaine, qui était le patron de l'escadrille du 233. Et Gavoil penché pour une panne de moteur. Le Lightning pouvait voler sur un moteur, mais il perdait beaucoup de vitesse s'il descendait très bas. Et une panne de moteur combinée à une panne d'oxygène. Il se trouve que Saint-Ex, qui était 44 ans, il n'était pas en forme physique, il respirait beaucoup plus vite que les jeunes gens à qui on confiait ses avions. Saint-Ex avait déjà eu un problème d'oxygène parce qu'il consommait son oxygène plus vite que les autres. Et dans l'épave, on a retrouvé, tout à l'heure, vous parliez du turbocompresseur, on a retrouvé une pièce mécanique du turbocompresseur qui montre que le moteur auquel appartenait cet élément était arrêté. Donc ça veut dire que Saint-Ex était sur un moteur, il était à basse altitude, il n'aurait pas dû être à basse altitude, les missions se déroulaient toujours à haute altitude, et puis surtout il aurait dû passer beaucoup plus à l'est, il aurait dû passer du côté de Cannes pratiquement, et non pas à Marseille, à l'île de Riou, c'est Marseille. Donc... les questions, Gavoil lui-même avait dit qu'il penchait pour une panne de moteur à haute altitude et au cours de la descente peut-être un évanouissement de Saint-Ex. Mais finalement c'est de l'histoire ancienne, après tout, il est parti à 8h30, il devait rentrer à 14h30, et bien il n'est pas rentré. Mais il nous a laissé ses œuvres et ses livres. Absolument. Ce sera le mot de la fin. Le prince a retrouvé sa signe. Exactement. Ce sera le mot de la fin, Bernard Chabert. Merci infiniment en tout cas. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de Saint-Ex, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Constance Villanova et Romain Weber. Attaché de production, Rebecca Donnante. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Marion Lelay, Benjamin Riquet et Coyen Guyenne. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.